OK, c'est parti. Deuxième partie, la parole et le pouvoir. On a parlé de puissance, on a dit comment se monter à batterie, on a dit comment les gens peuvent donner des petits hydro-Québec, et là, on est rendu à qu'est-ce qu'on plug, pourquoi qu'on plug. Bon, évidemment, ce qui est le moteur de l'homme, le pourquoi il veut avoir de la puissance, donc de la reconnaissance, avoir une réputation, papa, principalement, c'est pour régler les problèmes de survie. Éliminer la survie. Vous remarquerez que tout le monde qui a du pouvoir cherche désespérément à ne pas avoir à s'inquiéter des autres dans leurs actions pour pouvoir être continuellement protégé de la mort. Conséquemment, de ne pas tomber malade, de ne pas manquer d'argent pour pouvoir créer de l'échange en tout temps. Ils veulent évidemment être indépendants. Ce n'est pas des gens qui veulent être autonomes, c'est des gens qui veulent être indépendants. Indépendants des autres le plus possible. Des gens qui pensent à la base avec l'idée d'être indépendants, c'est des gens qui échangent de l'argent strictement pour être capable de se mettre, en position de présentation avantageuse pour donner une impression qu'ils n'ont pas besoin des autres. C'est anti-esprit. Quand vous avez une ressource, quand vous avez une capacité, je pense exemple à des docteurs ou des gens qui ont des compétences puis qui s'en vont dans des pays étrangers ou qui sont dans une certaine cause sociale, dans leur milieu, c'est des gens qui ont plus d'esprit. Je ne dis pas, parce que tout le monde ne le fait pas pour les mêmes raisons, mais la raison pourquoi tu fais quelque chose va déterminer si ton mouvement est fait au niveau de l'âme ou au niveau de l'esprit. C'est le point que je veux faire comprendre. Il y a des gens qui veulent la parole pour avoir le contrôle du cerveau des autres. Ça, c'est l'âme. Des gens qui veulent que l'autre se développe, ça, c'est l'esprit. Vous voyez que vous pouvez avoir deux personnes qui s'expriment bien avec deux intentions différentes. Vous voyez qu'il faut avoir deux compétences sociales reconnues, médecin, exemple, et puis qu'un a des visées strictement personnelles, indépendantes, et l'autre, lui, vise à développer de l'autonomie. Celui qui va se rendre au prix Nobel, il a des grosses chances d'être plus autonome que celui qui est indépendant, parce qu'il va multiplier les échanges, les contacts, et il va forcer un environnement à s'en aller vers un développement. Tandis que l'autre, lui, il veut juste mourir riche. Vous me suivez jusque-là? Donc, c'est très facile de reconnaître de l'âme versus de l'esprit. Parce que les intentions d'un, c'est d'éliminer la survie au point d'être le plus indépendant de finances. Parce que c'est l'argent qui donne la mesure de l'échange dans ce cas-là. Et l'autre, lui, l'esprit, il va t'emmener vers un travail. Parce que quand tu as de l'esprit, la mort ne se lit pas de la même façon que dans l'âme. Tu as peur de mourir dans l'âme. Tandis que dans l'esprit, c'est pour te rendre à la mort, tu vas faire quelque chose qui va laisser un héritage. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, moi, je me comprends parce que je sais que ma vie est destinée à laisser un héritage. Et puis, conséquemment à ça, quand l'individu est dans l'esprit, ce n'est pas sa survie qui travaille, c'est son développement. C'est la seule chose qui le préoccupe dans la vie, c'est le développement. Fait que les événements qui se présentent dans sa vie sont là pour qu'il se développe. Peu importe la nature de ce qui se présente, il est là pour son développement. Fait que avoir un statu quo dans dans un statut social quelconque, si c'est ça, c'est ça, mais si c'est pas ça, c'est d'autres choses, puis fuck off. Vous savez? Moi, j'ai fait des gros salaires dans ma vie, j'en fais des plus petits aujourd'hui, puis ça change pas mon pitch. Ceux qui m'ont connu il y a 30 ans, Claude, lui était là au tout début, là. Il sait très bien que tout ce que j'ai pu faire dans la vie, peu importe le salaire, ça a toujours été du développement pour m'améliorer, puis pour aider d'autres à s'améliorer, puis pour continuer l'excellent travail de Bernard. Puis je pense que je suis pas mal le seul qui a relevé le drapeau, puis qui le tient encore, tu sais. Puis c'est ça. Parce que les autres, si c'était pas payant, ils lâchaient. Tandis que moi, si c'était pas payant, je lâchais. OK. Comprenez le point? Si vous avez de l'âme et que vous voulez du pouvoir, je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, ça va demander une grosse reconnaissance. Il vous faut des titres. Là, je fais un point, je suis tanné d'écrire des astis de mots-là, je finis plus. Il faut de la reconnaissance et des titres. Pas de titre dans l'âme, oublie ça, là, t'avances pas. Là. Il y a pas de. Il faut des titres. Tu n'as pas le choix. J'ai été faire tel exploit, et puis j'ai passé dans le Guinness, puis ta ta ta ta ta ta ta ta. T'sais. Fait que là, les gens carburent à des titres. Là, tu as du pouvoir. Quand tu parles, ben, ah, on va faire comme il dit. T'sais, on va faire ça, on va faire ça. Parce qu'il ne faut pas t'oublier une chose. Les gens, c'est dans l'âme, c'est des croyants. Ce n'est pas des gens qui ont un sens de la critique. Ils vont critiquer parce que, bon, ils veulent avoir une raison qui supplante celle de l'autre. Mais ils ne veulent pas développer avec l'autre, ils veulent supplanter l'autre. Donc, ça revient tout le temps. Il faut beaucoup de pouvoir dans l'âme pour, si tu n'as pas de titre, asseoir les autres à cause du cash. La mafia, ils n'ont pas besoin de titre là-dedans. Mais on va dire, tel gars, il faut y faire attention parce que lui, il peut te faire tuer. C'est pas, il va te tuer, il va te faire tuer. Fait que ça veut dire qu'il y a un réseau de tueurs qui travaillent pour lui, pour que toi, quand il te dit quelque chose, ça va. Tu passes là, ou on te casse les jambes, ou on te tue. Vous comprenez? Bon, ben, c'est un petit peu le même principe d'un gouvernement. Le gouvernement a autant de puissance qu'il y a d'or dans sa banque, ou qu'il y a d'argent, ou qu'une armée forte. Ce qui fait la force des États-Unis, c'est pas juste la technologie, il faut pas rêver en couleur, c'est la force de leur armée. Là, les Chinois lui poussent dans le dos, les Russes lui poussent dans le dos, tout le monde a une bombe atomique. Ils sont rendus, c'est juste 17% du commerce mondial. Avant, c'était 50%. Fait que les États-Unis, c'est plus la force. Là. Il y a plusieurs forces. Là, ça devient quoi? Ça devient la mémoire que les gens ont de leur façon de travailler, l'arrogance qu'ils ont dans leur façon de se présenter. C'est ça qui joue. Mais si l'aïkido puis les musulmans commencent à râper le fromage, là, à un moment donné, ils vont être obligés de composer avec un deuxième pouvoir, un troisième pouvoir. Ça va rendre la relation obligatoirement plus mentale. Parce que là, ils vont être obligés de partager le pouvoir. Tant qu'un gars ne partage pas le pouvoir, il est en dominance. Écoute, faut pas rêver. Le monde, c'est des animaux. Et c'est l'animal le plus fort qui règne. Jusqu'à ce jour, on a connu les Romains. On a connu dans l'Asie les Genghis Khan et compagnie. On a eu les Japonais qui ont fait la misère aux Chinois. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de structures qui ont, de façon tribale, ont dominé d'autres. L'Arabie Saoudite, j'ai appris après-midi que c'était les Arabes du clan Saoud. C'est un bonhomme qui a eu une trentaine de femmes, qui a fait apparemment qu'il y avait au-dessus de 85 princes, parce que il était productif, c'était pas juste les puits de pétrole, c'était le puits du bonhomme. Et puis il était inépuisable. Fait qu'il a fait bien des petits, puis c'est juste une famille qui a fait des petits, qui règne le pays. Toutes les autres sont en pauvreté. OK? Fait que Arabie Saoudite, c'est Arabie de Saoud, parce que c'était le bonhomme Saoud. Fait qu'on est dans un univers de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. C'est eux autres qui fournissent 17% du pétrole. C'est eux autres qui dictent les prix. Puis le bonhomme, il se sentait mourir, puis il voulait faire le smart, faire mourir toutes les soeuses qui faisaient du pétrole à travers le monde en baissant le coût du baril jusqu'à ce que ça soit. Parce qu'eux autres, le baril, quand ils le prennent du sous-sol, il est déjà parfait. Il n'y a pas besoin d'être traité puis raffiné. Tandis que quand tu vas au gaz de schiste, ben, il faut qu'il passe par un traitement d'en plus finir. Ça coûte cher faire du gaz de schiste. Ça coûte cher faire du gaz de bitumineux. Fait que son objectif, c'était d'éteindre tous ceux qui produisent du pétrole, les faire mourir parce que c'était plus payant de faire du pétrole. Ils sont en train de réussir avec le bitume d'Alberta, à tenir les plis bas. Là, il est mort. Ça, c'est les forces. Puis une fois qu'il. Ben là, je suis en dehors de mon sujet, là, mais on va faire du montage. Et puis, bon, mais c'est ça, c'est une façon d'exprimer du pouvoir, ça devient ça. C'est très animal. Ça ne tient pas compte des autres, ça tient compte juste de ce que tu veux faire avec ton pays. Comprends-tu? Fait que, tu sais, l'Arabie Saoudite fait ça, l'Al-Qaïda fait d'autres choses, L'État islamique fait d'autres choses. Les Chinois font d'autres choses. T'sais, si tu crées pas de cohérence là-dedans, ils vont en faire sauter la planète, là, t'sais. Puis la nature, c'est la nature qui va donner la plus grosse volée au monde. Mais ça signifie mort, mort, mort, mort, mort, mort. Tandis que si les gens se coordonnent, deviennent intelligents, travaillent ensemble, chose qui ne se reproduira pas avant d'avoir eu une catastrophe mondiale, qu'on attend d'ailleurs, qui peut venir à tout bout de champ. T'sais, là, ils disent qu'on est à 3 minutes de minuit. Là, t'sais, ça voulait dire que l'apocalypse, pour les scientifiques, si ça grimpe encore, pour les autres calculs ça en minutes, si ça grimpe encore de 3 coches, c'est l'apocalypse. La nature ne pourra pas supporter. On n'a déjà plus les moyens de produire assez de nourriture pour toute la population du globe. On a déjà ça, ce problème-là. Là, c'est juste les gens à l'Occident qui sont avantagés, mais il y a des milliards de gens qui ne peuvent pas se nourrir, qui n'ont pas d'eau, qui ne peuvent pas. Écoute, il y a des places en Afrique qui font 25 cents par mois. Il faut qu'ils mangent avec ça. Puis il y en a qui font absolument rien. Quand tu écoutes ça, tu vois bien qu'il n'y a pas de développement. Là. Il y a un développement pour un ensemble de gens privilégiés, mais il n'y a pas de développement à l'échelle mondiale. Il y a du monde qui produit des enfants alors qu'il devrait avoir des ligatures de ci, des ligatures de ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Donc, le pouvoir entre les mains de l'homme, c'est de la reconnaissance par un pouvoir qui est de mort, OK, et un pouvoir de titre. Un pouvoir de titre, c'est ce qui est pour la moyenne des gens. Pouvoir de mort, ben là, tu sais, à moins que toi, tu fasses tes jobs, mais tu sais, les gens qui dominent dans le monde, c'est des gens qui font faire leur job. T'sais. Que ce soit une armée, peu importe la nature de l'armée, quand tu as un pouvoir de tuer, tu as un pouvoir supérieur à la moyenne des gens. Pourquoi qu'on va voir tant de films où ça tire du partout, là? Pourquoi quand vous venez pour tirer des carabines ou des pistolets, vous avez toujours les petits shakes en dedans? C'est parce que là, vous avez du pouvoir entre les mains, là. C'est pas un pouvoir intellectuel, mais ça a plus de pouvoir que l'intellect. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, m'a tué mon tabarnak, puis tu y colles un 357 magnum dans le visage, m'a tué mon tabarnak, tu viens de donner du crédit à ta parole. Tu sais, tu vois ça, nuance? Fait que du pouvoir, c'est une capacité d'agir. Donc, dans le pouvoir d'agir des gens, il y a un pouvoir de faire-faire. Puis un pouvoir de faire. Faire, c'est toi, puis faire-faire, c'est un autre. Fait que, imagine-toi si tu dis, moi, tu faire. Qu'est-ce qu'il y en a du monde là-dedans? Moi, tu faire ça, moi, tu faire ça, puis moi, tu faire ça. Et on est dans la mitrailleuse, là. Bombe atomique, ça doit être avec des haut-parleurs, là, style de 2000 mégawatts, là, puis. Moi de faire. En tout cas, on caricature un peu, mais ça revient tout le temps à une action qui va faire quelque chose ou qui fait quelque chose. Donc, il n'y a pas de pouvoir sans mouvement. C'est ça que je veux mettre en relief. Tandis que quand vous êtes en puissance, il n'est pas nécessaire d'avoir un mouvement. Si vous faites une lecture d'une situation, il n'y a pas de mouvement là-dedans. Vous avez une reconnaissance de la situation, mais il n'y a pas de changement de la situation. C'est dans le pouvoir que le changement s'installe, puis un pouvoir s'exprime tout le temps par un mouvement. Bien important de tenir celle-là. Que ce soit au niveau de l'âme, que ce soit au niveau de l'esprit, ce n'est pas le potentiel d'un individu qui donne du pouvoir. Moi, j'hérite, j'ai eu 210 000 piastres de dette à payer, j'ai eu un héritage de 265 000. Ce que je pouvais faire, c'était payer mes dettes, puis après ça, c'est... C'est un salaire normal, le pit, là, tu sais. Puis ça a donné que j'ai eu 3 mauvaises années, puis tout y est passé dedans. Là. Si je n'avais pas acheté mon auto et mes carabines, moi, il n'y avait plus rien. Fait que mon pouvoir de faire était quand même assez limité. Fait que avoir des ressources et des faire circuler, ça a comme conséquence d'épuiser les ressources et d'éventuellement de savoir comment faire pour les renouveler. Vous me suivez? Si tu n'as pas de capacité de renouvellement sur un mode de vie, tu es en marre. Là. La mort va te chatouiller de proche. L'âme s'occupe principalement de ta survie. S'occuper dans le sens de te mettre dedans. L'âme te met toujours dans une situation de survie. Tu as des grosses ressources financières, ils vont te chercher la santé. Ils vont te chercher des complications sociales, des procès, des ci, des ça. Ils vont toujours, l'âme, chercher à te rapprocher de la mort. Toujours, toujours, retenez ça. OK? Tout ce que tu vois apparaître dans ta vie qui détériore tes ressources, c'est de l'âme qui l'emmène. Tu as peur de quelque chose, tu vas te protéger. Ça coûte de l'argent, se protéger. Ça coûte toujours de l'argent, se protéger. Puis, si tu commences à avoir peur, tu vas chercher de la protection avec des gens qui te donnent de la protection, mais ils ne te la donnent pas. Ils te la font payer. Tu vas toujours avoir à payer des assurances, à payer de la protection. De quelconque façon. Puis là où la personne ou le groupe de personnes, parce que c'est une compagnie, c'est ça, ils vont te faire payer pour la protection qu'ils te donnent. Un notaire, c'est un protecteur. Un avocat, c'est un protecteur. Trouve-moi un protecteur qui ne charge rien. C'est quoi le pourcentage pour vendre un centre d'achat? Tu sais-tu? Pour vendre un centre d'achat? Oui. 1 million et plus. Ben, ça dépend de... Non, un chiffre. Donne-moi pas de ça dépend. Moi, je le sais, c'est 2 %. Et c'est 10 000 qui peut charger? C'est 2 %. Tu as côtoyé un peu de gens riches, toi, là. Puis t'es pas invité à une table parce que tu veux y aller. Tu es invité à une table parce que tu peux apporter quelque chose. Ça coûte toujours quelque chose, tout le temps. Donc, l'âme travaille tout le temps pour que le plus fort aille manger un plus petit, tout le temps. Pour que le plus fort soit tout le temps celui qui va survivre à l'autre qui va crever. C'est pour ça que je dis les êtres humains, c'est des animaux. Fait que l'âme, c'est un animal qui cherche le pouvoir par une puissance, par une force, par une autorité, par une domination. La femme a été écrasée dans la vie, pourquoi? Elle faisait des enfants. La femme arrête avec la pilule, oups, la femme devient plus indépendante. Savez-vous que pour la femme, d'être autonome, ça veut dire faire le moins de petits possible. Plate, hein? Tandis que si t'es un gars qui te protège, faire des enfants en sécurité, ça devient comme, c'est viable. Mais c'est pour vous faire voir qu'un animal, ça peut être animal à des degrés incroyables. Et que tant que vous êtes dans des jeux d'âme, vous êtes exposé à ça en permanence. Puis pensez pas que vous avez des garanties. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'esprit pour enrayer des mécanismes animaux de survie. Beaucoup, beaucoup plus que vous pouvez imaginer. Beaucoup plus. Donc, pour vous faire comprendre que le pouvoir, reconnaissance, est basé sur une impression forte que tu crées et généralement appliqué par une forme de peur. Peur de perdre, peur de manquer, peur de n'importe quoi. Mais tout est basé sur une peur. Okay? Donc, la survie, tu réussis à la traverser quand tu trouves les ingrédients ou les éléments pour te protéger. Mon professeur de comptabilité, parce que j'ai étudié à la finance, je l'ai dit, il dit, dans la vie, il faut que tu aies un homme de loi puis un homme de chiffres. Puis il faut que, même si tu penses que tu n'en as pas besoin, il faut que tu les aies dans ta soupe. Parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu ne seras pas capable de contrôler soit la finance ou soit la loi. S'il te manque un des éléments, tu vas le savoir, c'est une question de temps. Il faut que tu aies ces deux éléments-là qui te protègent. Puis si tu as une organisation pour la comptabilité, puis une organisation pour la loi, tu es en sécurité. Mon gars, sa business, quand elle valait 100 000, il était capable de faire ça tout seul. Mais là, il s'est fait offrir 2,5 millions cet été. Puis là, les gars qui ont engagé, c'est pour ne pas avoir à s'occuper de l'amplitude de l'affaire parce que ça l'empêche de travailler. Je comprends. Mais il n'est pas habitué à cette nouvelle façon de vivre-là. Puis c'est ces gars-là qui l'éduquent à être riche. Facile de dire, tu sais, c'est juste un zéro de plus après le 100. Non, c'est pas le zéro, puis le 2-0, 3-0. C'est le qu'est-ce que tu fais avec. C'est l'action que tu poses avec moins 100$ dans mon compte, puis 10 000$ dans mon compte, puis 1 million dans mon compte. C'est toujours 1 plus des zéros. Mais c'est pas 1 plus des zéros que je vois. C'est qu'est-ce que je peux faire. Vous me suivez? Là, quand il est rendu qu'il peut s'acheter un Porsche Cayenne Turbo S, il faut qu'il soit capable de le penser. Même s'il a payé 19 000, il faut quand même qu'il puisse penser qu'il se promène dans un char de 230 000 $. Il faut le penser, ça. Il y a bien du monde qui ont 30 000 $ à dépenser pour un auto. Mais quand tu lui dis tu peux t'avoir un Mercedes à ce prix-là, ah ouais. Puis là, il reste l'affaire de « ouais, mais j'ai-tu le droit? » C'est plus « je peux-tu? » Oui, tu peux. Mais as-tu le droit? Je parlais avec elle. Je vais faire dans ma famille, j'arrive dans les Mercedes. Elle n'a pas le droit. Elle a les moyens, mais elle n'a pas le droit. C'est terrible, cela, là. Fait que ça veut dire que du pouvoir, c'est menacé par l'opinion publique. Tout ce que tu fais faire, ça implique que tu as du pouvoir. Puis tout ce que tu fais tout seul, ça veut dire que tu n'as pas tant que ça. Pourquoi? Parce que tu as une tête qui vibre ou qui ne vibre pas à certaines choses. Faire vibrer du monde, j'ai vendu 6 Mercedes l'année passée. 6 personnes qui m'ont demandé la permission. On ne parlera pas de ton smart, là. Oui, je sais. C'est un char de poche. Tu mets dans tes poches, tu t'en vas, puis tu le sors. En tout cas, ça vous dire quoi, là? C'est qu'il faut que tu aies une permission. Puis les gens ont de la misère à se donner une permission dans l'âme. Dans l'esprit, tu peux, tu veux, tu l'as. Tu peux, tu veux, tu l'as. Dans l'esprit, tu peux, tu veux, tu l'as. Quand est-ce que tu n'as pas quelque chose dans l'esprit? Quand tu doutes, tu as des émotions, puis que tu ne peux plus. Parce que tu veux tout le temps. Quand tu es conscient, vouloir, c'est plus un problème. Tu n'es pas dans la psychologie de la limite, là. Tu es dans la psychologie du faire. Mais il faut que tu vibres. Puis des fois, tu ne peux plus vibrer parce que tu n'as plus de support. Quand est-ce que vous savez que vous n'avez plus de support? Parce que le support, c'est la base du pouvoir. Pourquoi tu ne peux pas faire faillite quand tu es professionnel? Ça veut dire ça? Quand tu es professionnel, tu n'as pas le droit de faire faillite? C'est pour l'image. Mm-hmm. L'image, c'est quoi? C'est un rassemblement de gens qui se sont donné une éthique de vie et un mode de vie aussi. Il faut que tu répondes au mode de vie et à l'éthique pour que l'ensemble te donne le pouvoir qu'il te faut. Donc, la puissance vient de l'image. Et tu peux exécuter si tu respectes l'image. Quand ils te sortent, tes médecins, puis pédophiles, papa, ils te sortent, là. Mais je ne te dis pas que tu vas remplir ton cabinet après, hein, parce que tu n'as plus de support. C'est pas parce que tu n'es pas compétent. C'est parce que tu as fait des choses qui ne vont pas avec l'éthique de l'ensemble. Moi, la valeur que j'ai, n'oubliez pas, c'est vous autres qui me l'a donnée. Hein. Demain matin, il y a un petit comique là, qui a du charisme un peu, là. Hey, ben là, c'est un trou de cul. Moi, je ne me remettrai pas en question, mais ça peut couper dans mon budget pas mal. Comprenez-vous? Fait que je vais chercher mon pouvoir un par un. C'est une personne à la fois. Puis si la personne, elle me dit non, ben, je suis privé de 300-400$ de salaire. Mais moi, je ne peux pas attaquer parce que j'ai trop de centricité. Je ne peux pas être attaqué comme individu. Mais ça reste que des individus peuvent vouloir me mettre à terre et m'enlever un pouvoir social. Ce qui est très difficile parce que j'ai bâti ma crédibilité de un par un. Je ne l'ai pas bâti sur une image sociale, une image publique. Bon, tu arrives à l'esprit. Tu te dis, ouais, comment tu peux avoir du pouvoir dans l'esprit? L'esprit, c'est plate à dire le même, mais c'est quelque chose qui se développe tellement qu'il devient un exemple. Moi, je pense que c'est pas ce que je parle qui est votre mesure. C'est le qu'est-ce que je fais avec vous autres qui est votre mesure. Fait que le gars, il dit ça, mais il fait quoi? Il ne demande pas ça à un médecin. T'sais. On lui demande d'avoir un bon traitement, point. Mais tu sais, ça devient comme de la pilule. Moi, je ne suis pas un gars qui donne des recettes. Je suis un gars qui a juste... Je fais du costume sur mesure. Fait que telle personne a tel problème, n'a pas un karma qui est pareil comme la voisine à côté. Fait que je donne l'exemple d'une façon d'être. Puis la personne, elle me dit, bon, mais il y a de l'air, parce que c'est toujours que c'est à l'air. Il donne une apparence de sécurité. Et puis, je suis intéressé, à cause de sa sécurité, devant les types d'événements qu'il vit, de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Et puis là, bien, vous finissez par me donner un verdict. Bien, ça a l'air que je n'ai pas posé tous les verdicts, puis j'ai perdu, je suis parti de 300-400 personnes à quoi, une vingtaine de personnes. Fait que souvent, à l'exemple que j'étais, ça ne fitait pas avec ce que le monde voulait vivre. Comprendre ça aussi, parce que c'est tellement marginal vivre avec la conscience. dans le sens que vivre avec ta source, ça t'amène à du développement constant. Fait que c'est dur à suivre, tu sais. Le gars, il est rendu là, la semaine prochaine, il est rendu ailleurs, puis on n'a pas pogné toute la séquence. Fait que t'es toujours jugé par de l'âme pour un monde qui n'est pas de l'âme. Fait qu'il faut avoir quelqu'un d'assez constant pour pouvoir te donner du crédit constant. Donc, si une personne veut vivre une démarche d'esprit, j'ai dit, Chris, occupe-toi pas de la reconnaissance, là. Tu n'auras pas de pouvoir parce que on te reconnaît. Le pouvoir, de toute façon, Bernard me disait tout le temps, il m'avait dit avant de mourir, il dit, gros minou, le pouvoir, on l'a quand on ne l'a pas. En d'autres termes, si tu ne penses pas avoir du pouvoir, tu peux avoir du pouvoir. Mais si tu veux avoir du pouvoir, tu n'es pas à la bonne track. Vouloir du pouvoir, vouloir être reconnu, vouloir que notre parole ait de l'impact sur l'autre, c'est pas quelque chose qui appartient à l'esprit. Ça, c'est vouloir ça, c'est vouloir de l'âme. C'est de l'âme qui fait ça. Là, c'était un petit gourou, comme il y en a bien après le groupe quand Bernard est mort, qui ont essayé de partir des affaires pour se donner de la crédibilité en disant qu'ils continuaient l'activité de Bernard. Bien, ça, c'était de l'âme. C'était du gourou. Il voulait aller vivre du gourou. Tandis qu'un individu qui est dans une démarche de développement, il fait ça pour lui, pour lui. Il fait ça pour lui, pour lui. Et ça émane vers les autres, ça rayonne vers les autres. Il ne parle pas pour se faire reconnaître. Ça, c'était ton erreur quand tu es arrivé dans le groupe. Tu voulais te faire reconnaître. Tu n'avais pas à te faire reconnaître. Tu avais à être là, point, pour ton développement personnel. Là, tu as l'air à catcher la game. Mais ça reste quand même, c'est un mouvement naturel de vouloir être reconnu. Mais ce n'est pas ça l'objectif de l'esprit. L'esprit, lui, c'est du développement. Avoir une meilleure lecture, puis être capable d'agir sur ta parole. Quand vous êtes capable d'agir sur votre parole, vous avez le pouvoir de la parole. Mais vous n'avez pas de pouvoir de la parole si vous n'êtes pas un exemple. Puis c'est l'idée, il faut faire encore attention. Il ne faut pas vouloir être un exemple. Je ne veux pas être un exemple. Moi, je ne voudrais pas que le monde vive ma vie. Pas plus que je suis sûr que Bernard n'aura pas voulu que le monde vive sa vie. On a tout un mandat, appelez ça une mission, appelez ça, c'est pas tellement le terme. On est canal d'une vibration. Mais on ne sait pas ce qu'on a à canaliser. Fait qu'on nous met un paquet de lettres dans le sac, puis on est des facteurs, puis on va livrer les messages. Mais pensez pas que vous avez de l'importance. Moi, je ne me qualifie pas d'un homme important. Mais je sais que ça a de l'importance pour les autres. Je vois que ça a de l'importance pour les autres, mais je ne veux pas avoir de l'importance. Vous me suivez? Fait que l'idée, ce n'est pas d'être un exemple, parce que vous n'êtes jamais un exemple. Pourquoi? Parce que vous avez un message qui est différent de l'autre à passer. Ils ne mettent pas 25 personnes avec le même message, mais ils peuvent mettre 25 personnes avec une vibration où le message a des variantes. Fait que le pouvoir, ce n'est pas dans la forme, c'est dans l'exécution. Fait que dans l'esprit, l'exécution prédomine sur l'apparence d'eux. Tandis que dans l'âme, l'apparence est bien important. Avoir de l'air d'eux, donner l'impression que ça prédomine, le pouvoir comme ça. Mais ça joue tout le temps avec la survie, tout le temps. Tu sais, ça revient tout le temps à vouloir créer de l'impression pour se présenter meilleur que l'autre. Tandis que dans l'esprit, c'est être meilleur avec d'autres. Tu sais, t'es meilleur parce que tu es avec d'autres. C'est pas une affaire de collectivité. C'est une affaire qu'il y a des développements qui se font plus facilement. Fait que dans l'esprit, c'est développement avec, puis dans l'âme, c'est développement contre. Tu vas être meilleur joueur de hockey pour battre l'autre équipe. C'est toujours pour aller contre. Moi, dès que quelqu'un présente une image de contrôle, je le sens, j'ai la vibration, je le sens, tout de suite, il est éliminé. Il ne sait même pas qu'il est éliminé. Il prend des décisions qui font qu'il s'élimine. OK. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir des amis? Écoute, ta seule valeur d'échange, c'était une chose. Fait que, fais des accompagnements à la chose. Tu ne vaux pas plus que ta carabine. Ah, ouais. Eh oui. Là, il était avec Lise. Lise, elle me donne un bon feedback. Je veux dire aux gens, si vous voulez essayer une bonne carabine, elle a essayé de la chose à Madeleine. Puis, elle va reconquérir les cœurs par une générosité commandée. C'est moi son contact. C'est rebelle de l'âme. C'est très rebelle de l'âme. Ça veut être indépendant. Ça veut pas avoir de... On dirait que ça veut pas d'échange. Ça veut juste être pour soi, là, tu sais, c'est... Non, t'as moins ça! Tu sais, c'est ma carabine, calice! L'autre est meilleur que moi, je vais avoir de l'air après! C'est ça, de l'homme. L'esprit dit, hey, meilleur, fort! C'est pour vouloir que l'autre se développe. C'est ça, il y a un anti-homme. Bernard, il parlait des forces anti-hommes. C'est ça, c'est de l'anti-homme. Ça veut pas que l'autre soit meilleur, soit pas ci, soit ça. Moi, je te passe un gun, puis t'es meilleur que moi. Il va être mort de rire. Parce que pour être meilleur que moi, il faut que tu sois bien bonne. Fait que si t'arrives à ce niveau-là, je dis, ouais, ben viens-t'en aux compétitions, ça va à peine. Je vais être ton sponsor, je vais te fournir les balles. Puis la carabine. Juste pour écœurer les gars là-bas, ça doit être drôle. Ouais, les gars qui se font 20 ans, qui tirent entre eux autres, puis qui se partagent les bourses. Nous autres, on est du plancton ou les baleines, c'est-tu. Ils voient y arriver, ben oui, ils voient notre argent rentrer dans leur poche. Donc, avoir quelqu'un qui échauffe, là, tu sais, qui est même un petit peu sur le stress, là, j'ai hâte de voir ça, moi. Là. On a pas mal pogné tous les trucs, là. Mais tu sais, c'est pour le développement, moi, là, tu sais. Après ça, on va les éviter à prendre une bière. On a coûté aussi cher que les bourses qu'ils n'ont pas eues. En tout cas, c'est ça le point. Question. Moi, j'ai toujours, quand je fais quelque chose, un scénario qui vise à améliorer la relation avec d'autres. Tu as envoyé ton fichier à Maria? Oui. Bon, elle devait être contente. Ouais, là, non, mais tu comprends-tu, là? J'ai pas besoin que tu dises que t'as fait ça à toute oui, la ville de Verdun. Je suis super contente. Ça. Pourquoi? Parce qu'elle voit qu'elle s'occupe. Tu t'occupes de ses affaires. Mais oui. C'est-tu ça, rebalancer, là? Dans ce cas-là, c'est pas une affaire de rebalancer, c'est une affaire de favoriser une échange avec l'autre, c'est tout. Il n'y a rien à rebalancer, là. Elle a emprunté, l'autre a pris un risque, puis d'attitude, au final. Si tu penses qu'elle, c'est la Banque de Nouvelle-Angleterre, si Christ n'a pas compris la vie. Là. Okay. Elle a une job à risque. Toi, tu n'as jamais eu de job à risque. Fait que tu ne peux pas imaginer qu'est-ce que c'est emprunter quand tu n'as jamais eu de job à risque. Tu n'as pas de point de vue pour elle. Là. Non. Moi, j'en ai un parce que j'ai connu ce qu'elle vit. Là. C'est ça. Gilles aussi, c'est un gars qui connaît ce que c'est d'emprunter et t'es à risque. Chris, il collait son camp en bas d'un arbre. Elle dit que la capacité de payer est sérieusement diminuée. Bon, ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Question. Donc, avec la parole et le pouvoir quand tu es dans l'esprit, c'est que tu veux toujours te développer avec. Avec. Oui, ça, c'est la base. Ça. Moi, quand j'ai rentré dans la carabine, j'ai été me développer avec les meilleurs. Tout ce que je pouvais trouver de meilleur que moi, j'allais le chercher. Je souhaitais trouver du monde meilleur que moi. Moi, j'ai identifié un gars dans le Reload, là, qui en sait crissement plus que les deux autres. Là. Les deux autres, c'est l'ancienne formule. Puis lui, c'était un jeune, là, puis il est vraiment à date. Là. Puis ça a beaucoup évolué, la balistique, ces affaires-là. Là. Lui, il lit tout là-dessus. Fait que je vais aller prendre un cours. Ça va peut-être me coûter une coupe de 100$ cet été. Là. Parce que c'est 50$ de l'heure. J'ai dit, j'arrive avec mes questions, tu réponds. C'est correct? Il dit oui. OK. Mais là, c'est l'autre qui t'aide à le développer. Ben oui, c'est ça. Je vais chercher, moi. Je suis un gars autonome. Je ne suis pas un gars indépendant. Je fuis l'indépendance. Moi, je sais qu'on s'améliore avec les meilleurs. Ben, je vais chez les meilleurs. Je les veux meilleurs que moi. Si le gars, il est péteux, je m'en calisse-tu, moi. Je veux qu'il me montre ce que je sais pas. Ça me dérange pas, moi, là, qu'il soit dans l'ego. Tu sais, j'ai pas de gêne là-dedans. Là. Il est bon, il est bon. Non, moi, les fosses, ils m'ont traîné. J'ai un bon training avec les fosses. Solution, c'est une action, là. C'est pas une idée, là. Lâche-moi les idées. Les idées pour être riche, là, l'automax, c'est bon, non? Pas une bonne idée? Non. Il y en a qui gagnent. Mais tu fais pas chance, de pas. Tu vois comment tu penses? Il faut toujours que ce soit quelque chose de logique. Des fois, ce n'est pas trop logique. Je sais pas attendu qu'est-ce que tu as répondu. Si tu ne prends pas de chance, tu ne gagnes pas. Oui, si tu ne prends pas de billet, tu ne gagnes pas. Si tu ne prends pas de billet, tu ne gagnes pas. Mais, tu sais, si tu étais survivor, tu ferais quoi? Tu n'as pas de solution. Il n'y a pas rien qui te fait vibrer. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est pas à toi que ça arrive. Tu n'es pas en faute. Tu n'es simplement pas concerné. C'est quand tu es concerné par la vie de quelqu'un que tu peux régler quelque chose. C'est quoi pour vous autres avoir du pouvoir? Avoir la capacité de suivre une vibration. De suivre. OK. J'ai compris tuer une vibration. Effectivement, c'est la bonne réponse. Je ne pouvais pas dire mieux. Hein? Si je meurs, tu me remplaces? Non? Chris, tu veux être vivieux. Ben ça, c'est perdre le pouvoir. Sinon, vous êtes dans l'autre pouvoir. Le pouvoir de l'âme. Le pouvoir de l'âme, c'est un pouvoir qui va avec tout ce que j'ai décrit. Là. Mais le pouvoir de l'être conscient, c'est de suivre une vibration. C'est dur pour vous autres de suivre une vibration? Puis si c'est dur, c'est parce que vous n'êtes pas capable d'identifier. Donc, c'est important de développer la puissance. Puis la puissance, ça se développe par la lecture. Il faut avoir une bonne lecture pour avoir de la puissance. Puis même, quand tu l'identifies, c'est encore difficile. Pour certains, oui. Oui, parce que tu as tout le temps la logique de l'autre. Bien, il y a toujours l'ego qui veut donner son point de vue. C'est le problème à Céline. Céline, elle capte bien, mais elle raisonne l'action parce qu'elle a peur des conséquences. Fait que la peur des conséquences, il fait perdre. Ben, il fait perdre. C'est ce qui l'empêche d'avoir du pouvoir. Oui, c'est ça. Elle a un bon input, mais elle n'a pas de pouvoir d'exécution. Peu importe ce que vous êtes dans l'âme quand vous arrivez au pouvoir, parce que vous voulez être... Principalement, vous cherchez de la reconnaissance. C'est votre pire obstacle. Vous voulez tout le temps que les autres disent « Oui, je t'aime, t'es fine, blablabla. » Du beurrage. Christ, t'es complètement contrôlé par, moi j'appelle ça, par l'opinion publique. Là. Que quand c'est les autres qui parlent leur approbation ou non, dirige ton mouvement. C'est sûr que c'est pas la conscience, ça. Là. J'ai deux mots. J'ai l'échange et le développement. Est-ce que tout du développement, quand tu rentres en échange? Ben, l'échange, selon moi, oui, ça développe. Mais l'échange, selon moi, si c'est selon le monde astral, c'est des trades, ça peut ou non être à l'avantage de l'un plus qu'à l'autre. Le problème de l'astral, c'est que c'est pas réparti égal. Il y en a un qui se développe sur le dos de l'autre. C'est ça. Ça. Ouais, mais il ne faut pas que les avantages que tu as dans la vie écrasent l'autre. Pas bien, bien compliqué. Là. Ça, c'est être dans l'âme. C'est être dans l'âme. Oui, parce que tu peux être dans l'âme sans le vouloir. Ou l'autre, à cause de l'âme, il peut t'infecter dans l'échange parce qu'il est dans l'âme. Tu sais, toi, tu fais des tartes au ci ou au ça, là, puis tu te sors la survie. Puis quelqu'un voit ça, il n'a pas besoin de faire ça pour survivre. Puis il est jaloux de ta créativité. Il t'écrase. Ben moi, c'est un reset automatique. Moi, c'est un reset automatique. Oui, bien, pas sûr. Des fois, tu peux avoir assez besoin d'argent pour plier d'un genou. Tu veux dire... Non, tu veux dire qu'il en achète. Les gens te voient faire des tourtières et eux autres n'ont pas besoin de faire ça pour survivre, tandis que toi, tu as besoin de ça pour payer ton loyer, OK? Tu réussis à bien t'en sortir à faire ça, puis ça réussit, puis les gens sont jaloux. Oui, je sais que c'est leur problème, mais c'est des éléments qui créent un obstacle. Parce qu'ils vont aller blablacer, puis plutôt que t'aider à en vendre plus, ils vont tout faire pour t'en vendre moins. Fait que ton affaire meurt au bout de 3 mois, parce qu'il y a des hosties de langue sale qui se sont mis à pas vouloir que tu te développes. C'est ça de l'animal. Il me semble que c'est pas compliqué à comprendre. Ben, ces gens-là, faut que tu t'en éloignes, ils sont dangereux, c'est toxique. Moi, j'élimine tout ce qui est toxique dans ma vie. De A à Z. C'est pas compliqué à comprendre. Ben, je veux pas avoir d'astral autour de moi. Bernard disait, l'astral, c'est tout ce qui t'emmène à la mort. Donc, si à un moment donné, tu as des problèmes financiers, problèmes de santé, tu as trop d'astral autour de toi. Point final.